Les nuits de France Culture. Philippe Garbi, Alban Penaranda, Mathilde Wagman, Hassan Mbechour, Virginie Mourté, nous sommes ensemble jusqu'à 7h du matin. La nuit, Franz Kafka. En 1984, se tint à Paris, au Centre Georges Pompidou, une exposition intitulée « Le siècle de Franz Kafka ». Dans un texte rédigé pour le catalogue de cette exposition, Marthe Robert, l'une de celles qui œuvra à traduire et faire connaître l'écrivain pragois en France, expliquait comment, dans les tout premiers temps de la découverte de son œuvre dans notre pays dans les années 30, on avait tout ignoré de son existence, des conditions de rédaction de ses textes et même de sa langue. En dépit de sa longue carrière et de la gloire incomparable dont il a joui chez nous, écrivait-elle alors, la véritable histoire de Kafka en France ne fait peut-être que commencer. Il semble que cette véritable histoire soit encore en cours et elle a connu, au mois d'octobre dernier, une étape importante avec la parution d'une nouvelle traduction des œuvres complètes de Kafka dans la Pléiade. Occasion que nous avons quant à nous saisie pour vous proposer une nuit à l'écoute de ces textes, une nuit pour en souligner la singularité absolue, la force, la drôlerie aussi, n'en déplaise à l'image quelque peu sinistre qui colle à la peau de leur auteur. Et pour nous accompagner tout au long de la nuit, nous avons le grand plaisir d'accueillir Jean-Pierre Lefèvre. Bonsoir. Bonsoir. Et merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le directeur de cette nouvelle édition des œuvres complètes à la Pléiade, dont les deux premiers tomes sont parus. Le premier volume rassemble les nouvelles et récits de Kafka et le deuxième, les trois grands romans posthumes, Le Disparu, Le Procès et Le Château. Deux autres tomes suivront, qui rassembleront quant à eux Le Journal et La Correspondance. Jean-Pierre Lefèvre, vous êtes traducteur d'allemand, professeur émérite, comme on dit, de littérature allemande à l'École Normale Supérieure. Vous avez traduit Marx, Hegel, Freud, plus récemment Stéphane Zweig aussi, mais aussi des poètes, parmi lesquels Paul Celan, Hölderlin ou Rilke, entre autres. Kafka, dans votre parcours de traducteur, arrive tard, d'une certaine façon. Comment est-ce que vous avez rencontré son œuvre ? Est-ce qu'avant de vous lancer dans cette vaste entreprise de traduction, c'était un auteur de chevet, déjà, pour vous ? Pas du tout. Ça n'était pas un auteur de chevet. Je l'avais lu en petite quantité dans ma jeunesse. Quand, disons, à l'époque où je commençais mes études, et j'avais lu La Métamorphose et Le Procès, c'est-à-dire des choses tout à fait notoires, déjà, bien sûr, à l'époque. Et puis ensuite, Kafka est resté pour moi, justement, une notoriété, mais latérale par rapport à tous les objets sur lesquels j'ai été amené à travailler. J'en ai entendu parler beaucoup, y compris par mes amis, dont un certain nombre étaient des aficionados de l'œuvre de Kafka et même du personnage pour qui il avait joué un rôle important dans la formation de leur esprit, qui avait parfois tout lu, etc. Donc je connaissais le phénomène Kafka, je connaissais sa notoriété générale aussi, bien sûr, mais j'ai attendu d'être obligé par le travail de préparation de mes élèves à l'agrégation d'allemand que ça arrive dans le programme, que ça arrive au programme. Et donc, j'ai lu ainsi le Château et auparavant avait été mis au programme America sous le titre America ou Le Disparu. Voilà, voilà, désormais que vous traduisez par Le Disparu. America, c'était le titre donné par Max Brod. Oui, qui est d'ailleurs un titre assez intelligent, qui a bien rempli son office de titre et bien éclairé à sa manière le texte. Voilà, et donc j'ai, à l'époque, je n'ai pas élargi au reste de l'œuvre de Kafka ses travaux, même si j'ai été amené à regarder le texte de très près. Et bon, dans les années, après avoir fait Stefan Zweig, après avoir publié pas mal de volumes de Freud aussi aux éditions du Seuil, la direction de la collection de la Pléiade m'a proposé de faire Kafka. Et comme c'est une conjoncture relativement ouverte et disponible, j'ai accepté en me disant que ça valait sans doute la peine. Et voilà. Et du coup, maintenant, j'ai tout lu. Et donc, mon regard a changé, mais c'est le regard de quelqu'un qui a travaillé entre 70 et 75 ans sur Kafka, qui a regardé cette personne avec des yeux qui n'étaient pas ceux du frère d'armes de la vie, mais qui étaient plutôt, disons, à une certaine distance, distance qui était du reste conforté aussi par le fait que les éditeurs de l'œuvre de Kafka avaient aussi changé leur fusil d'épaule. C'était peu à peu départi de la stratégie de Max Brod, qui d'ailleurs a très bien rempli son office aussi, qui a fait connaître Kafka très très correctement. Mais les éditeurs actuels ont rétabli, ont tenté de débarrasser l'œuvre de Kafka des artefacts, notamment des pseudo-œuvres. Je prends comme exemple les lettres à Milena, qui sont des lettres, voilà, qui ce sont des de la correspondance, qui peut fort bien être intégrée à la correspondance générale et mise dans l'ordre chronologique avec les autres lettres, y compris les lettres les plus, comment dire, les plus inutiles pour la littérature, mais ça ne fait rien. D'autant que dans la période où il les a écrites, ces lettres, il en a effectivement tellement écrit que la période elle-même est couverte par l'ombre de cette destinatrice. Voilà. Il faut rappeler que la précédente édition de la Pléiade remonte à 1976 et que, indépendamment même de la nouveauté de votre traduction, de la traduction que vous proposez, vous avez une approche très différente dans l'établissement même des textes, le corpus de référence que vous prenez comme base pour cette nouvelle édition et la présentation. Est-ce que vous pouvez nous dire les grandes lignes de ces différences? Qu'est-ce qui change radicalement? Un certain nombre de choses changent. Alors, pas toutes ni de la même manière pour toutes les œuvres. Je veux dire que pour les romans, par exemple, que j'ai traduit, les trois romans, le texte qui est mis à notre disposition est le texte des manuscrits, puisqu'il s'agissait de manuscrits que Kafka avait laissés sans rien en dire qui permettait vraiment de les éditer en fonction de ce qu'il avait indiqué. Donc c'est Max Brod qui a fait le travail, et dans la déontologie amicale qui était la sienne dans les années 20, donc il a un peu peigné les manuscrits, les a débarrassés d'un certain nombre de choses qui caractéristiques de l'écriture manuscrite de Kafka. Il a commencé aussi par la publication des romans posthumes. D'abord, oui, le procès. Alors évidemment, un certain nombre de choses étaient déjà parues du vivant de Kafka et, oui, indépendamment des, déjà assis, oui, un début de notoriété. Mais Max Brod a publié immédiatement après la mort de Kafka, a publié les trois romans en séquence, en commençant par le procès, puis le château et enfin America. Donc il n'a pas respecté l'ordre chronologique, et d'une certaine manière, c'était une stratégie éditoriale tout à fait juste et efficace. Et donc Max Brod a peigné, comme je disais, le texte. Il a mis une ponctuation qui souvent faisait défaut. Il a corrigé quelques praguismes, mais enfin il a laissé subsister les austriacismes dans le texte allemand, qui sont d'ailleurs assez peu nombreux. Et puis il a peut-être redressé ça et là quelques phrases, mais disons que dans l'ensemble, le texte qu'il a mis à disposition des lecteurs et des traducteurs de l'époque dans les années 20-30 était tout à fait correct. En revanche, quand il s'agit du journal et en partie de la correspondance, là il y a quelques opérations de censure destinée à ne pas détourner l'attention sur Kafka de ce qui était l'essentiel de son message. Et donc il a, encore une fois, conformément à sa propre moralité, si l'on peut dire, très très paradoxale d'ailleurs, il a éliminé un certain nombre de détails qui ont d'ailleurs été publiés pour eux-mêmes. Il y a eu une anthologie dans la revue L'Infini, des choses que Kafka avait évacuées. C'est typique de l'époque. Il a notamment évacué les visites au bordel, les confidences sur les prostituées, etc., etc. Oui, tout ce qui pouvait être moralement discutable. Avant-guerre, les choses, et qui aujourd'hui, au contraire, attirent les lecteurs. Et donc, voilà où l'on en est. De la même manière, la correspondance de Kafka, donc c'est ce qui a été édité en dernier, car la biographie a été connue assez tôt, elle a été connue à la fin des années 30. Max Brod lui-même est l'auteur d'une biographie. Que Max Brod a écrite, ouais. Bien sûr, lui qui disposait précisément de tous les matériaux et de toutes les connaissances humaines particulières qui étaient requises pour pouvoir écrire les choses avec le maximum de sécurité. Et la biographie de Max Brod paraît quelques années après la mort de Kafka en 1924, hein, au début des années 30, c'est ça ? Non, elle paraît plutôt vers la fin des années 30. Ah, d'accord. Voilà. Et donc... La correspondance avait été aussi éditée par Paquet, Lettres à Milena, et puis c'était également fonction de la date à laquelle on en disposait, car retrouver les lettres, c'est un travail de longue haleine. Les lettres de Kafka à Félice, sa première fiancée, qui est Félice et qui était partie aux États-Unis et qui n'avait, semble-t-il, au départ, pas du tout l'intention de faire autre chose que garder ses lettres pour elle-même. Félice a fini sollicité sans doute par l'éditeur Schocken, a fini par les vendre car elle avait un besoin d'argent important lié à des frais médicaux qui n'y a pas de sécurité sociale aux États-Unis. Et donc voilà, elle les a vendus, mais très tard, ce qui fait qu'on a pu les éditer que tardivement aussi. Et du coup, elles ont été éditées pour elles-mêmes, sans être mêlé au reste de la correspondance. Ce qui, dans le cas de Félix, d'ailleurs, est un problème peut-être plus grand que dans le cas de Milena. Disons que la densité est étalée dans la masse, compte tenu du fait que la correspondance avec Félix a duré de 1912 à 1917. Donc, il y a 5 ans quand même de lettres. Et il y en a énormément. Et pour le reste, il a fallu aussi retrouver autant que possible, dater l'écriture des fragments, dont certains sont des fragments fictionnels, et donc rentrent dans la catégorie des récits, des nouvelles. Oui, c'est l'une des dimensions très intéressantes de cette nouvelle édition. Dans le premier tome, donc, qui rassemble tous les récits courts, à la fois ceux qui sont publiés donc du vivant de Kafka. Vous rappelez très bien cette distinction forte, et la présentation même des textes l'a fait apparaître, hein, cette distinction entre, bien sûr, les quelques textes publiés du vivant de Kafka, comme La Métamorphose, par exemple, et quelques autres, et puis tous ceux qui ont été exhumés après sa mort. Et il y a quelque chose de très intéressant dans le fait que tous ces textes donc qu'on a retrouvés dans son journal, hein, qui étaient ces fragments qu'on retrouvait au milieu des écrits diaristiques, vous les publiez dans ce premier tome, mais vous dites en introduction que vous les reprendrez aussi dans les tomes à venir, notamment celui qui concernera le journal. Pourquoi le choix de les répéter, en quelque sorte, les faire apparaître deux fois dans cette édition ? Eh bien, bon, Kafka est quelqu'un qui écrivait sur les cahiers qu'il avait à sa disposition. Quelquefois, il emmenait le journal et il avait envie d'écrire autre chose que des textes diaristiques, donc de la prose de fiction. Et à l'inverse, il lui arrive, dans les papiers qu'il a emmenés en voyage, par exemple, au contraire, de consigner des remarques qui sont parfaitement diaristiques. Donc, il y a une espèce de mélange des genres, là. Dans ces conditions, on peut quand même considérer que les 12 cahiers sur lesquels il a écrit son journal, avec quelques feuillets intermédiaires, peuvent constituer un ensemble homogène, ce qui ne signifie pas une œuvre, c'est un ensemble homogène de documents personnels. Les réduire aux éléments purement diaristiques aurait été un artifice de plus. Donc, dans la mesure où les textes de fiction écrits dans les cahiers du journal ne sont pas trop nombreux, L'éditeur, et je le soutiens absolument, a décidé de rétablir la totalité, de la, en quelque sorte, la séquence, bien que, comment dire, ces cahiers eux-mêmes et qu'on est arrivé à classer dans un ordre à peu près chronologique, mais et parfois été utilisé à des moments très divers et pas forcément de manière séquentielle. Et donc, voilà, il faut relativiser aussi les textes et éduquer en quelque sorte le lecteur à un type de lecture qui tient compte de cela, qui tient compte des conditions dans lesquelles les choses ont été éditées et écrites. C'est ce que vous faites d'ailleurs dans une longue introduction de ce premier tome des éditions de la Pléiade. Vous donnez à la fois les éléments essentiels connus de la vie de Kafka. Hein, c'est une vraie petite biographie que vous composez à votre tour. Mais cette introduction commence par une évocation, un rappel du geste fondamental de Max Brod, hein, qui, dites-vous, fait l'exact contraire de ce que Kafka lui avait demandé à deux reprises dans un billet non remis de 1921 et dans ce qu'on a appelé sa lettre testament de 1922, je crois, dans laquelle il lui demandait non seulement de brûler tous les documents, on le sait, mais encore de ne pas réimprimer, ce qui était déjà paru. Mais vous notez aussi d'emblée, Kafka, je vous cite, « Kafka formule sa demande comme si Max Brod devait comprendre ce qu'elle signifie, tout en sachant sans doute que s'il comprend, cela ne suffira pas à le convaincre. » On a l'impression que, à votre sens, la demande de Kafka était au fond, par essence, ambivalente. On a l'impression que, d'une certaine manière, vous réhabilitez le geste de Max Brod, qui a été, surtout à l'époque, très critiqué. Oui, de toute façon, l'ambivalence, c'est vraiment une caractéristique non seulement de cette démarche à l'égard de Max Brod, mais aussi du psychisme de Kafka. Enfin, les exemples abondent, y compris dans la correspondance, où il dit une chose et aussitôt après il dit, on pourrait presque dire le contraire, et puis il modalise cette contrariété d'une manière qui fait progresser la pensée, mais qu'il faut suivre. Et donc, Kafka était contraint évidemment de faire cette demande à Max Brod, puisque Max Brod possédait déjà du vivant de Kafka toute une série de papiers que Kafka lui avait confiés. Notamment, les manuscrits des romans avaient été confiés aussi à Milena. Il savait très bien, Kafka savait très bien que Milena les confierait à Max Brod, qui était vraiment l'homme qui pouvait les éditer. Donc c'est évidemment, la demande de Kafka est évidemment un symptôme de profond désespoir, de déception, enfin, extrêmement négatif. Et dans le même temps, à l'époque, bien que leur relation ait évolué dans le temps, elle a été très forte au début, puis après elle s'est un peu ralentie à mesure que Max Brod était occupé par des tas de choses et qu'évoluait aussi l'existence de Kafka. Donc, quand Kafka formule cette demande dans les années 20-22, il sait très très bien ce que Max Brod pense de lui, et il sait très très bien que Max Brod est homme à interpréter cette demande comme contradictoire et à prendre avec prudence. Il ne faut pas se jeter dans la lettre de ce testament, mais il faut l'interpréter. Et comment dire, de ce point de vue, on est tout à fait dans la culture propre de Kafka, qui est un homme de l'interprétation, qu'on a rapproché du talmudisme d'ailleurs, mais profondément, c'est son psychisme qui se joue dans l'interprétation, la réinterprétation et donc dans la contradiction. C'est ce qui fait d'ailleurs la richesse de ce qu'il écrit, car la contradiction, c'est, comme dit Brecht, c'est notre espoir, c'est notre espérance, car quand il n'y en a plus, c'est la mort. Et voilà. Et donc, Max Brod a interprété cette demande de Kafka. Les papiers ont été retrouvés. Kafka ne lui en avait plus parlé jusqu'aux dernières heures de son existence. Oui, c'est pas des papiers qu'il lui a donnés, hein. C'est non, des papiers non. Retrouvés après sa mort. Il les a retrouvés. Et jusqu'au dernier moment de son existence, Kafka, sur son lit de mort, a encore corrigé des textes qui allaient paraître. Le matin même de sa mort. Oui, c'est ce qu'on dit. Ouais. C'est ce qu'on dit. Il ne parlait plus, mais il correspondait par petits biais avec les gens qui l'entouraient. Donc, c'est un jeu de ping-pong, comment dire, entre les deux hommes. Max Brod savait que Kafka savait que Max Brod savait que Kafka savait que, etc. Il ne respecterait pas à la lettre cette demande. Il ferait même le contraire, puisque non seulement il a publié les textes de fiction, les romans, les récits, les fragments, mais il a publié les journaux et finalement il a publié les correspondances, c'est-à-dire les textes les plus privés. Oui, l'ensemble finalement des textes dont on dispose. Ce qui ne va pas de soi. Oui, absolument. Ce qui ne va pas de soi. Je vous propose qu'on écoute un petit extrait de la voix de Max Brod. Max Brod qui est mort en 1968. Il était parvenu à émigrer en Palestine en 1939. Il a vécu en Israël jusqu'à la fin de sa vie. Et quelques temps avant sa mort, il avait accordé à une chaîne de télévision allemande l'une de ses dernières interviews. Elle est menée par le journaliste Georg Stadler. On écoute un extrait de cet entretien en allemand, mais on discutera ensuite de ce que Max Brod nous raconte. Le journaliste lui demande pour commencer à quoi ressemblait Kafka à l'époque où il l'a connu. Wie sehen Sie ihn heute noch vor sich aus der Erinnerung? Am Anfang war er so eben ein schmächtiger Student, lang aufgeschossen, mager, vielleicht um anderthalb Köpfe größer als ich, was ja nicht viel bedeutet, da ich sehr klein bin, aber er war über Mittelmaß und blitzende graue Augen und schwarzen Schopf von dichten Haaren und äußerlich sehr gepflegt, sehr elegant. Gewisse Leute wollen ihn als Bohemien sehen, die haben ihn eben nie gekannt. Er war äußerlich mit betonter Unauffälligkeit sehr gewählt und elegant gekleidet. War er eine frohe Natur? Das ist zu viel gesagt. Er war nicht so depressiv, wie er heute gesehen wird. Aber frohe Natur kann man ihn nicht nennen. Er war, wenn man mit ihm frohe Natur kann man ihn nicht nennen. Max Brod, au journaliste, lui demande si Kafka était donc une frohe Natur, c'est-à-dire une nature joyeuse, répond avec pas mal d'humour et avec un sourire dans la voix que non, une nature joyeuse, on ne peut pas le dire, mais que malgré tout, ce n'était pas cette personnalité déprimée qu'on a si longtemps dépeint. Vous connaissiez cet entretien, Jean-Pierre Lefebvre ? Non, je me suis beaucoup intéressé j'ai cherché à connaître la langue que parlaient les contemporains de Kafka et notamment ses plus proches amis, le pragois, donc Max Brod, et puis Urs Siddall aussi, qui est un écrivain un peu plus jeune que Kafka. Et on entend bien cet allemand méridional assez proche du bavarois qui caractérise la prononciation du pragois. Je pensais qu'il était tout à fait essentiel de connaître la voix, et d'autant plus que Kafka fait partie de notre génération de parole, c'est-à-dire qu'il a l'âge de mes grands-parents, et donc moi je les ai connus, je les ai entendus parler, je peux imiter leur voix quand je parle à mes propres petits-enfants. Donc il y a là un empan très très long de la génération de parole, et qui fait que bon, c'est aussi en pensant à la façon dont les gens parlent qu'on lit ce qu'ils écrivent. Et donc je suis très heureux d'avoir pu entendre grâce à vous cette voix de Max Brod que je n'avais pas pu trouver. Et que dit Max Brod ? Eh bien, il le décrit physiquement, puisque c'est la question qu'on lui pose. Il dit que c'était un très beau garçon, très très mince, très élégant, beaucoup plus grand que lui, Max Brod, d'une certaine manière assez séduisant, et qui lui avait fait forte impression. Donc il décrit la couleur de ses yeux aussi, que souvent on imagine noir. Oui. Et moi j'y ai insisté, j'ai cherché cette couleur des yeux de Kafka, car je pensais qu'elle disait quelque chose. Et en fait, sur son passeport, on dit gris bleu profond. Mmh. Donc il dit gris profond, mais en même temps il y a quelque chose d'une autre lueur. Il y a deux couleurs dans oui, son regard. Oui, et sur les photos on voit bien qu'il a les yeux clairs. Et alors quand il dit eine frohe Natur war, est-ce qu'il était une nature joyeuse, un gai luron ? Alors évidemment il a si bien connu qu'il ne peut pas dire ça. C'était quelqu'un qui avait quand même des vagues de mélancolie assez fréquemment. Et donc, il était peut-être moins sérieux que Brault dans certains domaines. Il était plus relax, plus cool. Mais en même temps, et précisément, je reviens à ce qu'on disait précédemment, c'est-à-dire, il était les deux à la fois. Il était la contradiction des moments de joie, de l'écriture, de contentement, de désir d'autre chose, etc. Et de phases dépressives. Alors, je ne dirais pas qu'il était maniaco-dépressif, mais on a mis cette pancarte psychiatrique à l'horizon de son comportement, et ça a pesé extrêmement lourd dans son existence, dans ses rapports, dans sa vie amoureuse, dans ses rapports surtout avec les femmes. Oui, sa vie amoureuse marquée par une incapacité à se marier, plusieurs projets de mariage, le plus connu étant celui avec Felice Bauer, mais un perpétuel échec de ses multiples tentatives. C'est comme s'il avait espéré toute sa vie réussir ce projet, avoir une femme, peut-être des enfants, et puis finalement, il n'a jamais pu y arriver. Eh bien, Kafka était quand même dans une famille juive avec une pression parentale pour quand est-ce que tu vas te marier, mon fils. Enfin, cette demande est forte et il le sait très bien, et non seulement te marier mais avoir des enfants, puisqu'il était resté le seul garçon de la famille. Et donc l'hypothèse, alors qu'apparemment, enfin, on n'a pas eu de documentation sur ce point par des prostituées de Prague qui auraient pris la plume pour dire comment il était dans ces circonstances-là, mais apparemment, quand ce qu'il y avait à l'horizon, c'était le mariage, la reproduction, une sexualité matrimoniale, etc. Et là, il était désemparé. Il écrit même à Félix que j'y arriverai pas. Il faut pas que tu comptes sur des enfants, etc. Donc c'est très très étonnant, surtout pour un lecteur d'aujourd'hui. Les choses sont quand même observées de manière plus comment dire, beaucoup plus tolérante, finalement. Voilà, donc Max Brault, de ce point de vue, y compris par la façon dont il vous répond, quand on lui dit « est-ce que c'était un joyeux garçon ?», il dit « joyeux, non, on ne peut pas dire ». Non, c'est quand même pas ce qu'on peut dire, ouais. Au cours de cette nuit, nous entendrons essentiellement des lectures de textes, mais on a tout de même sélectionné une émission consacrée à la vie de Kafka. Il s'agit d'un documentaire que Marie-Christine Navarro avait fait pour l'émission « Une vie, une œuvre » en 1987, et qui s'intitule « Franz Kafka, l'assaut immobile ». On y entend plusieurs connaisseurs et admirateurs de l'œuvre, parmi lesquels Marthe Robert, présenter et analyser des éléments de la vie de Kafka, qui éclaire indiscutablement son œuvre. Il est en particulier beaucoup question du contexte historique de cette Prague du début du siècle, qui a été le décor de presque toute son existence. Dans votre introduction aux œuvres complètes, Jean-Pierre Lefèvre, vous ouvrez le récit biographique que vous faites par la présentation de ce que vous appelez ce biotope étroit et tout à fait singulier que fut la Prague de l'Empire austro-hongrois, et même plus précisément ce quartier tout à fait restreint où Kafka passa l'essentiel de sa vie. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi la compréhension de ce biotope est indispensable pour bien lire Kafka ? Le pays dans lequel il vit, c'est Prague, et puis c'est aussi la Bohême. Et donc, il y a deux figures de cette contradiction qui est principalement celle de Prague, qui est une ville essentiellement tchèque, majoritairement tchèque. 90% de la population. Oui, un peu moins quand même. D'accord. Mais avec deux sortes d'allemands germanophones. La minorité, mais qui est la majorité des germanophones, juives. Les Allemands de souche non juive qui sont là à des titres divers, et notamment officiels, qui sont dans l'administration, etc., austro-hongroise. Ça, c'est la ville dans laquelle arrivent ceux qui émigrent de la Bohême quand les lois permettent y compris aux Juifs, de se marier, etc. Enfin, il y a vraiment toute une série de lois qui autorisent des libérations et donc des perspectives de vie nouvelles et qui font que beaucoup de Juifs pauvres dans des familles nombreuses, désireux aussi, évidemment à l'écoute de l'évolution des mœurs, etc., tentent l'aventure et viennent faire du commerce à Prague, et les enfants de ces familles-là font des études, deviennent étudiants, peut-être un jour deviendront-ils fonctionnaires, etc. C'est le cas de la famille de Kafka. C'est exactement le cas de la famille de Kafka. Son père tenait un magasin et en même temps, a eu des grands succès. Son père, dont on a dit tant de mal, ce qui est en partie mérité, mais son père a tenu à ce que Kafka aille à l'école allemande, aille dans un lycée où on faisait des humanités, et une bonne éducation sorte en quelque sorte des minorités pauvres et ou opprimées. Et donc, mais derrière ce Kafka bien connu par la littérature, il y a aussi Mayrink, le Golem, il y a toute une série d'auteurs de l'époque qui ont décrit leur ville. Enfin, c'est devenu une espèce d'image d'autant plus forte que ce Prague-là a disparu. Mais il y a aussi la mémoire des petites villes ou villages d'où viennent les ancêtres. Les aïeux qui ne sont guère que les grands-parents, d'ailleurs. Oui, c'est ça, c'est la génération des grands-parents de Kafka. Parfois, et qui eux aussi ont vécu la contradiction, mais dans des termes tout à fait différents, avec presque dans certains lieux une espèce d'autorité de la population juive dans des villages très, très paysans. Qui parfois même leur avait permis d'accéder à une certaine position locale. Donc c'était le cas de la famille de la mère de Kafka. Les Levy. Il y avait, voilà, mais de toute façon c'était quand même la bohème, majorité tchèque, et donc avec des rapports dans lesquels l'antisémitisme traditionnel jouait évidemment un rôle important. Oui, et vous dites que les familles du type de celle de Kafka étaient confrontées à deux antisémitismes. C'est-à-dire, il y avait d'une part l'antisémitisme tchèque, hein, qu'on pouvait comprendre par une forme de ressentiment, par le fait que les Tchèques occupaient les positions, pour le dire vite, sociales les plus basses, alors que les Juifs étaient parvenus peu à peu à accéder à des positions sociales plus élevées. Et puis, l'antisémitisme germanophone, disons, qui se propageait depuis l'Autriche et qui était assez prospère à l'époque de Kafka également. Oui, c'était un billard à trois bandes, si vous voulez. Il y avait des chocs comme ça qui, selon les circonstances, opposaient les uns aux autres. Et évidemment, les Juifs étaient le plus souvent la victime soit des uns, soit des autres. Et en même temps, les Juifs de Prague, par exemple, les intellectuels, etc., observaient ce paradoxe que la population majoritaire du pays était aussi méprisée, était en quelque sorte les Juifs des germanophones non-juifs, une population exploitée, mais qui en même temps s'était battu et finalement avait obtenu une espèce de parité dans les institutions, notamment d'éducation, les institutions culturelles aussi, les théâtres, avec ce qui était à disposition des germanophones. Donc la population était la plus éduquée à penser la contradiction, c'était la population juive, et ça s'est manifesté dans des gestes quand la Prague et la Bohême sont devenues la Tchécoslovaquie, enfin une partie de la Tchécoslovaquie en 1918. Le nationalisme tchèque anti-allemand a été très opératoire, et en même temps il y a eu toute une série d'exemples où les Juifs de Prague germanophones ont été quand même mieux traités par les Tchèques qu'il ne l'avait été par les Austro-Hongrois germanophones avant 18. Voilà, c'est ce jeu tout à fait original qui a été détruit, et avec une bonne partie de la population. La Bohème a énormément souffert de la stratégie d'élimination et d'extermination des nazis. L'histoire est passée de manière tout à fait tragique sur cette histoire-là, mais qui du coup est devenue un peu mythique, car c'était avant que l'extermination soit à l'œuvre. Les auteurs de cette époque sont les témoins de quelque chose qui a vraiment disparu, mais qui malheureusement n'est pas la seule chose qui a disparu. Il y a aussi toute la population de juifs de l'Est qui arrivait poussée soit par la pauvreté, soit surtout par la guerre de 14-18 dans cette période, et qui donc tout le pays yiddishophone qui lui a été rasé. Et donc d'une certaine manière, l'intérêt de Kafka pour le yiddish, qui anticipe longtemps avant tous les massacres à venir, prend une résonance tout à fait étonnante. Oui, Kafka qui a eu une forme de révélation, hein, on vous le racontait très bien dans l'introduction à ses œuvres complètes, une forme de révélation en découvrant le théâtre yiddish, une compagnie qu'il peut voir à Prague en 1911, je crois, introduction qu'il faut lire pour comprendre ce contexte, la richesse et la complexité de ces tensions à l'œuvre et qui éclaire véritablement la compréhension des textes. Dans la première partie de cette nuit, on écoutera, en plus de cette émission Une vie, une œuvre, deux récits courts, la fameuse Métamorphose qui ouvrira la nuit dans une adaptation proposée par Jacqueline Clancier en 1969 avec Claude Rich dans le rôle du narrateur de la nouvelle. Alors en l'occurrence, c'était la traduction d'Alexandre Vialat que l'on entendra. Et puis pour conclure la première partie de cette nuit, on entendra Jean Topard lire cette nouvelle traduite par Alexandre Vialat sous le titre « Un champion de jeûne » que vous, Jean-Pierre Lefebvre, vous avez traduit par « Un virtuose de la faim ». Vous nous direz peut-être tout à l'heure pourquoi vous aviez choisi ce titre-là. Quant à vous, cette émission datait de 1981 et puis on se retrouvera après ces trois émissions pour présenter la suite de ce programme.